Enseignement par le vénérable Sayadaw Mukundala. 14 juillet 1999. L'enseignement sur le Dhamma qui sera donné ce soir porte sur les cinq facultés, les cinq indriyas qui sont automatiquement présentes lorsque le méditant pratique vipassana et qu'il note. Il sera également question de la façon dont ces cinq facultés se conditionnent mutuellement. Et enfin, nous parlerons également du premier facteur de renforcement de ces indriyas. Les cinq facultés ou indriyas se manifeste spontanément lorsque Vipassana est pratiqué et que le méditant note les différents objets. Lorsqu'elles seront en équilibre dans son esprit, le méditant qui n'a pas encore expérimenté le Dhamma va l'expérimenter. Celui qui a déjà expérimenté le Dhamma va progresser. Et celui qui est mûr pour les réalisations les plus nobles va les réaliser. Au cours de votre méditation vipassana, chaque fois que vous faites une note mentale, ces cinq facultés sont automatiquement présentes dans votre esprit. Voyons tout d'abord quelles sont ces cinq facultés. La foi ou confiance est la première de ces forces, de ces facultés. Vient ensuite l'effort ou l'énergie. La troisième force ou faculté est l'attention. La quatrième, c'est la concentration. Et enfin, la cinquième, c'est la sagesse ou la connaissance. Vous pratiquez selon la méthode du Vénérable Mahasi Sayadaw et vous vous efforcez de noter essentiellement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si au moment où vous observez ces deux mouvements, vous êtes convaincu qu'il est possible pour vous d'atteindre les réalisations les plus élevées, le noble Dhamma, en franchissant successivement toutes les étapes de connaissance vipassana, si vous êtes convaincu qu'en réalisant ainsi le noble Dhamma, vous fermez définitivement les portes des mondes inférieurs, vous détenez cette première force, cette première faculté, la confiance ou la foi. Chaque fois que les mouvements de soulèvement et d'abaissement ont lieu, le méditant doit fournir un effort pour les observer. Chaque fois qu'il note donc les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, le méditant détient la deuxième faculté, l'effort. Vous allez donc vous efforcer de noter ces deux mouvements chaque fois qu'ils se produisent. Pour noter correctement, vous ne pourrez pas être distrait. La note mentale ne peut en effet se faire que si l'attention est ferme. La faculté d'attention est donc automatiquement présente chaque fois que le méditant note. Lorsque vous notez ainsi les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen de façon concentrée et attentive, Et si vous réussissez à maintenir votre attention pendant toute la durée de ce double processus et que vous observez le mouvement de soulèvement du début à la fin, ensuite le mouvement d'abaissement du début à la fin, si votre observation est sans faille pendant toute la durée du processus, vous détenez la concentration momentanée. La faculté de concentration est donc automatiquement présente à chaque note mentale. Vous allez poursuivre votre pratique, vous allez continuer à noter de façon ininterrompue les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Votre concentration va devenir forte, elle va mûrir et devenir puissante. Vous devenez petit à petit capable de voir que le mouvement de soulèvement de l'abdomen est un processus distinct de l'esprit qui prend conscience, qui note ce processus. Et lorsque vous observez le mouvement d'abaissement de l'abdomen, vous voyez également, très distinctement, d'une part le processus physique d'abaissement de l'abdomen et d'autre part, l'esprit qui prend conscience de ce processus. Vous commencez alors à réaliser analytiquement que les mouvements de soulèvement et d'abaissement sont distincts de l'esprit qui note ces processus. Cette connaissance ou sagesse est spontanément associée à chaque note mentale. Vous savez maintenant que l'abaissement de l'abdomen n'a rien à voir avec la conscience de cet abaissement. L'abaissement appartient au domaine de la matière, alors que l'esprit qui note ce mouvement est conscient de l'objet. C'est un processus qui appartient au domaine de l'esprit. Ceci vous amène à réaliser que votre être, vos khandhas, ne sont qu'un ensemble de phénomènes physiques et mentaux, un ensemble de phénomènes qui appartiennent soit à la matière, soit à l'esprit. Prendre conscience de cela, réaliser cela, c'est réaliser la première connaissance vipassana appelée Nama Rupa Paricheda Jnana. Vous avez la connaissance analytique de l'esprit et de la matière. La cinquième faculté, la sagesse ou connaissance, est donc présente à chaque note mentale, puisque chaque fois qu'il note, le méditant réalise Nama Rupa Paricheda Jnana. Ceci termine la première partie de cet enseignement qui portait sur la façon dont les cinq facultés sont automatiquement présentes au moment où le méditant fait ses annotations. Nous allons parler maintenant de la façon dont chaque faculté conditionne l'apparition de la suivante. Si vous pratiquez en observant les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et que vous êtes convaincu qu'il est possible pour vous de réaliser le noble Dhamma, de fermer définitivement les portes des mondes inférieurs et d'expérimenter le Nibbana dans la mesure où les conditions requises pour cela sont réunies, la première faculté, Saddha, la confiance, est en vous. Plus votre confiance est forte, plus vous allez fournir d'efforts. Vous allez travailler sans vous reposer, sans dormir, sans vous arrêter. C'est ainsi que la faculté d'effort va se développer. On peut donc dire que la faculté d'effort dépend directement de la faculté de confiance. En d'autres termes, la foi, la confiance, conditionne l'effort. plus l'effort est intense, plus l'attention se développe. Vous poursuivez votre pratique et vous êtes bientôt capable d'observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement au moment précis où ils se produisent. C'est l'intensification de l'effort qui a amené ce développement de l'attention. La faculté d'effort a donc conditionné la faculté d'attention. Celle-ci va encore se développer et cela aura pour effet que la concentration va s'établir. L'attention observe donc les mouvements de soulèvement de l'abdomen. Lorsqu'elle devient puissante, la concentration est établie, l'esprit se stabilise et se focalise attentivement sur le mouvement en l'observant du début à la fin. Le méditant est capable maintenant de maintenir son esprit fixé solidement sur l'objet et d'observer le mouvement du début à la fin. Il est capable de se concentrer sur ce processus de façon continue, mais il ne peut arriver à ce résultat que si l'attention est puissante. C'est à cette seule condition que l'esprit peut rester fixé sur le mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen pendant toute la durée du processus. C'est ainsi que la faculté d'attention conditionne la faculté de concentration. Ce n'est que lorsque la concentration est établie que la sagesse vipassana peut surgir. Sans concentration, il est impossible de faire surgir les connaissances vipassana. Plus la concentration est forte, plus la sagesse se développe. Voilà comment la concentration conditionne l'apparition de la sagesse, des connaissances vipassana. Sans concentration, il est impossible d'obtenir la sagesse. Dans les temps anciens, les maîtres de méditation comparaient la concentration à la lumière d'une lampe torche. Imaginons que vous deviez vous déplacer la nuit au moyen d'une lampe torche dont les piles seraient déchargées. Comme la lumière n'est pas très forte, il se peut que vous preniez une corde pour un serpent. Vous pourriez croire que les feuilles qui sont tombées au sol sont des grenouilles. Vous n'arrivez pas à vous diriger correctement parce que vous ne voyez pas clair. De la même façon, si votre concentration n'est pas bien établie, le chemin vipassana ne sera pas clair. Mais si les piles de votre torche sont bien chargées et que vous voyez une corde, vous saurez que c'est une corde. Lorsque vous verrez les feuilles au sol, vous saurez que ce sont des feuilles. Vous ne prendrez pas cette corde pour un serpent, ni ces feuilles pour des grenouilles. Comme le chemin sera bien éclairé, vous ne perdrez pas de temps et arriverez dans les délais. De la même façon, si votre concentration est forte, vous serez capable de voir clairement la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Si vous avez la connaissance analytique de l'esprit et de la matière, vous avez toutes les chances d'atteindre votre but très rapidement. Nous avons expliqué la façon dont chaque faculté conditionne l'apparition de la suivante. Nous allons maintenant poursuivre l'enseignement en vous parlant du premier facteur de renforcement de ces cinq facultés. Dans la continuité ici présent, il n'y a que des phénomènes qui relèvent tantôt de l'esprit, tantôt de la matière. Il n'y a rien d'autre à y trouver. Ces phénomènes, qu'ils soient physiques ou mentaux, apparaissent pour disparaître l'instant d'après très rapidement. Ils apparaissent et disparaissent à très grande vitesse. La disparition des phénomènes est également appelée dissolution. Vous devez diriger votre attention vers la dissolution des phénomènes. Si vous procédez ainsi et que vous essayez de diriger votre attention sur la dissolution des phénomènes, qu'ils soient physiques ou mentaux, vous allez renforcer vos facultés. Mais lorsqu'on demande au méditant de diriger son attention vers la dissolution des phénomènes, il ne s'agit pas d'imaginer la dissolution. Il faut qu'il arrive à l'expérimenter réellement. Je vais vous expliquer comment diriger l'attention vers l'aspect cessation des phénomènes au moment où vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Lorsque vous observez le mouvement de soulèvement de l'abdomen, vous devez essayer de voir que ce mouvement de soulèvement ne se prolonge pas par le mouvement d'abaissement. Vous devez voir qu'il n'y a pas de continuité entre ces deux mouvements. À la fin, le mouvement de soulèvement s'arrête. De même, lorsque vous observez l'abaissement, vous devez essayer de voir que ce mouvement d'abaissement ne se prolonge pas par le mouvement de soulèvement qui suit. À la fin du processus, ce mouvement s'arrête. Ce sont ces deux phénomènes que vous devez essayer de voir. La fin du soulèvement, la fin de l'abaissement. Lorsque vous aurez perçu la fin de ces deux mouvements, vous devez alors diriger votre attention vers cet aspect des phénomènes. C'est cela que veut dire diriger son esprit vers l'aspect cessation, vers l'aspect dissolution des phénomènes. Il faut cependant faire remarquer qu'au début, même si le méditant dirige son attention vers la cessation des phénomènes, il n'est pas encore en mesure de réaliser vraiment cette cessation, cette dissolution. Le fait de diriger l'attention vers la fin des processus va induire la concentration, car pour observer ainsi l'aspect cessation de ce double phénomène, le méditant doit fournir un effort, et cette intensification de l'effort amène automatiquement un approfondissement de la concentration. Mais à ce stade, le méditant n'est pas encore capable de réaliser vraiment la dissolution des phénomènes. Il poursuit son effort, sa concentration continue à se développer, elle va devenir forte et puissante, et il sera bientôt en mesure de voir que chaque fois que le mouvement de soulèvement arrive à sa fin, il s'arrête. Il se dissout furtivement. Et lorsqu'il observera l'abaissement, il va également expérimenter la dissolution, la disparition de cet abaissement à la fin du processus. Vous serez capable d'expérimenter directement par vous-même la dissolution de ces deux mouvements. Vous allez poursuivre votre pratique, votre concentration va encore se développer, elle va devenir plus mûre et plus puissante, et vous serez bientôt en mesure de voir qu'en réalité ce mouvement de soulèvement se dissout par étapes successives. Il y a une série de dissolutions qui se produisent successivement. Et lorsque vous observerez l'abaissement, vous pourrez expérimenter les dissolutions successives de ce mouvement d'abaissement telles qu'elles se produisent étape par étape. Vous pourrez expérimenter tout cela directement par vous-même. Vous allez poursuivre votre pratique, votre concentration va encore se développer, elle va devenir encore plus puissante et plus mûre, et chaque fois que vous observerez le soulèvement et l'abaissement, c'est non seulement la disparition rapide du mouvement de soulèvement que vous verrez, mais également la dissolution de la conscience de ce mouvement. Lorsque vous observerez le mouvement d'abaissement, vous assisterez non seulement à la dissolution furtive du mouvement physique d'abaissement, et également la dissolution furtive de l'esprit qui note et prend conscience de la disparition de ce mouvement physique. Vous assisterez donc chaque fois à une double dissolution, d'une part la dissolution du mouvement physique, et d'autre part la dissolution de l'esprit qui note ce mouvement physique. À ce stade, vous avez donc réalisé la double dissolution, la dissolution du phénomène physique et la dissolution du phénomène mental, l'esprit qui note le mouvement physique. Vous savez donc maintenant par expérience que le mouvement physique de soulèvement, qui est un processus matériel, n'est pas permanent. Ce mouvement disparaît, se dissout, il n'est pas permanent. Vous savez également que la conscience attentive, l'esprit qui note ce mouvement, qui est un phénomène mental, n'est pas permanent non plus. En pali, l'impermanence se dit anicca. C'est donc de cette façon que le méditant va réaliser anicca, et maintenant il sait ce que cela veut dire. Les dissolutions se produisent très rapidement. Chaque fois, vous les notez et vous allez commencer à vous sentir oppressé. Il y en a beaucoup, elles se succèdent très rapidement et vous devez chaque fois noter cette dissolution. C'est difficile et éprouvant de devoir chaque fois prendre conscience de la dissolution. C'est ainsi que vous commencez à réaliser dukkha, la souffrance. Vous vous sentez très oppressé et vous aimeriez ne pas avoir à souffrir de cette façon. Vous aimeriez empêcher ces cessations de se produire. Mais vous constatez que c'est impossible, vous n'avez aucune prise sur ces choses. Elles sont anatta, incontrôlables. Vous avez ainsi réalisé par vous-même anicca, l'impermanence, dukkha, la souffrance et anatta, le caractère incontrôlable des phénomènes. Lorsque votre connaissance de ces trois caractéristiques des phénomènes, anicca, dukkha et anatta, aura mûri et sera devenue parfaite, vous serez en mesure de réaliser le noble Dhamma, en franchissant successivement toutes les étapes de connaissance vipassana. Si au moment où vous contemplez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous prenez l'habitude de diriger votre attention vers l'aspect cessation de ces phénomènes, et si vous réussissez à expérimenter directement par vous-même la véritable dissolution, vous deviendrez progressivement capable d'assister à la dissolution de tous les autres phénomènes qui se produisent à l'intérieur de vous. Je vais maintenant vous expliquer comment vous devez procéder pour observer la dissolution au moment où vous pratiquez la marche attentive et que vous notez les trois phases du pas, lever, avancer, abaisser. Lorsque vous pratiquez la marche attentive et que vous faites trois notes à chaque pas, vous notez lever, avancer, abaisser. Au moment où vous observez le mouvement d'élévation du pied, vous devez essayer de voir que ce mouvement s'arrête à la fin du processus. Il n'y a pas de continuité entre le mouvement d'élévation et le mouvement d'avancement qui suit. De même, lorsque vous observerez l'avancement du pied, vous expérimenterez l'arrêt de ce mouvement à la fin du processus. Vous verrez qu'il n'y a pas de continuité entre ce mouvement d'avancement et le mouvement d'abaissement qui suit. Et enfin, lorsque vous observerez le mouvement d'abaissement, vous pourrez expérimenter que ce mouvement s'arrête à la fin du processus et qu'il ne se prolonge pas par le mouvement d'élévation suivant. C'est ainsi que vous devez pratiquer la marche attentive. Dirigez l'attention vers la disparition des différents phénomènes que l'on observe. Vous deviendrez alors progressivement capable de voir très clairement la fin du mouvement d'élévation, la fin du mouvement d'avancement et la fin du mouvement d'abaissement. C'est ainsi que vous devez pratiquer. Au début, vous ne serez pas encore en mesure de voir très clairement cette dissolution des phénomènes, mais à force de diriger votre attention vers la dissolution, ce phénomène va vous apparaître de plus en plus clairement. Vous pourrez voir très clairement que le mouvement d'élévation s'arrête et disparaît furtivement. Pour ce qui est du mouvement d'avancement, vous allez également expérimenter la furtive disparition de ce mouvement d'abaissement. Vous verrez ce mouvement d'avancement disparaître furtivement. Et lorsque vous observerez l'abaissement du pied, vous expérimenterez la disparition soudaine de ce mouvement d'abaissement à la fin du processus. Toutes ces dissolutions, vous allez les expérimenter directement par vous-même. Vous allez continuer à observer ainsi, votre concentration va encore se développer, elle va devenir très mûre et très puissante. Et chaque fois que vous observerez le mouvement d'élévation du pied, vous verrez que la dissolution de ce mouvement d'élévation ne se produit pas qu'à la fin du phénomène, elle se produit de façon répétée, étape par étape, tout au long du processus. Lorsque vous observerez le mouvement d'avancement du pied, vous verrez que ce mouvement d'avancement subit des dissolutions successives pendant toute la durée du processus. Et lorsque vous observerez l'abaissement du pied, vous expérimenterez également les dissolutions successives et furtives de ce mouvement se produisant en chaîne. Ce sont là toutes des expériences que vous allez faire directement par vous-même. Vous allez continuer à observer, votre concentration va encore se développer, elle va mûrir, devenir très puissante, et chaque fois que vous noterez le soulèvement, vous assisterez non seulement à la dissolution du mouvement physique, mais également à la dissolution du processus mental, la conscience qui note ce mouvement. Lorsque vous observerez l'avancement du pied, vous verrez également les brusques disparitions de ce mouvement d'avancement telles qu'elles se produisent étape par étape et également la dissolution des consciences qui sont chaque fois associées à ces mouvements. Et enfin, lorsque vous observerez l'abaissement du pied, vous assisterez non seulement à la dissolution furtive de ce mouvement par étapes successives, mais également à la disparition soudaine de la conscience de ces différents mouvements. Mais vous ne pourrez expérimenter ces choses directement vous-même qu'à la seule condition que votre concentration soit devenue forte, mûre et puissante. Lorsque ce sera le cas et que votre pratique aura donc progressé, vous pourrez effectivement expérimenter tout cela directement par vous-même. À voir toutes ces dissolutions, vous commencez à réaliser que ces mouvements d'élévation, d'avancement et d'abaissement du pied sont anicca, impermanents. Vous réalisez également que la conscience attentive qui note ces mouvements n'est pas quelque chose de permanent non plus. Vous allez également, et par voie de conséquence, expérimenter dukkha, la souffrance, et anatta, le caractère incontrôlable de ces phénomènes. C'est de cette façon que le méditant réalise les trois caractéristiques des phénomènes, anicca, impermanence, dukkha, souffrance, et anatta, non-soi. C'est ainsi qu'il est possible d'expérimenter le noble dhamma par la marche attentive. Le fait de diriger son attention vers l'aspect cessation des phénomènes est le premier facteur de renforcement des facultés de contrôle. Au total, il y a 9 facteurs de renforcement de ces facultés, mais ce premier est considéré comme le plus important, car c'est en procédant ainsi que le méditant peut espérer arriver après un certain temps à expérimenter la véritable dissolution des phénomènes. C'est parce qu'elle le mène. Sadhu, sadhu, sadhu.